Ouais, mais... Et là, c'était long de ouf. Ouais, faut que tu me marres. Anormal, je vous ai pas dit, pas banal. Et on fera chier pour ta carrière. On t'a marié avec une pute. On est derrière, mec, on s'en fout du thème. Tu jalouses tous nos moves, je te le dis doucement. Commence par te connaître mieux. J'ai pas la réponse à tout, mais j'ai ma réponse à tout. Toi tu t'écrases dans ton trou. Si Jean et mon shit colle, nique un site comme Tom Clancy, fuck un site. Oh boy, je suis dans le Mistral. Pop un cristal, tape une cristasse authentique. Plus qu'en freestyle, hein. Lions dans la petite paille. Oh, yeah. Dans un. Dans le jeu, je vois que des fois des fuck. Hey, oh. Dans le jeu, je vois que des fois des fuck. Pardon. Dans le jeu, pas que des fous des fac, dans moi que des falas, les viscères max, tous les jours pélo, non, quoi pour pas de palace, quel est lobby, je marche la semelle, ça abîme, rail tombé dans les abysses, j'ai la barreau, connais une as des habits, tu connais mes mécaniques, je déboule comme un bête con, en concert dans mes tongs, marche au pied, c'est embêtant, j'aime la pelle béton, putain y'a que du calme, depuis que le plug est béton, je vais devant les dents, RD, je suis dans la concert, pas que l'été que je roule des tongs, tu peux niquer ta tente, le rang la pénis prend. Nina fait la falconne, quoi pas la falage. Désolé les pas quand je suis avec la coloc. J'suis dans ce type la truck, tant que j'ai nique la falaille. Tu dis prêt à tout quand faut le faire, c'est la connasse.